cœur, les tourments loin d'ici reflètent le visage doux et clair et les yeux d'une fille. La sensation de ne pas s'y faire est d'être un peu épris, à se noyer dans cette mer et plonger pour la nuit. Le jour est tombé comme hier, et le ciel aujourd'hui a pris les couleurs de l'hiver en dégradé de gris. J'ai regardé levant la tête, passer le vent d'ici, l'éther est vide où je me perds, j'y passerai bien ma vie. La fille m'a fait fondre au clair de lune, je l'ai suivie. Elle me dit que la vie entière ressemble au paradis. Je lui réponds: à trop en faire avec des idées jolies, au moins la face entière, en pleurant, elle a fui. J'ai pleuré longtemps et mes larmes confondues à la pluie dans un vacarme de tous les diables. Éclaboussait de vie la petite mort d'une rencontre au hasard de l'ennui. J'aurais dit à la terre entière que j'aimais cette fille. Le temps a passé et naguère n'est plus comme aujourd'hui. J'ai retrouvé sous une pierre un collier bien joli. Un collier bien joli. Abîmé par le temps qui passe et sali par la pluie, j'ai gardé contre mon cœur ce bout de paradis. Temps passé vidé, amer, où j'entendais non loin d'ici, dans la brillance d'un doux éclair, mes yeux dans les yeux d'une fille. La sensation de ne pas s'y faire et d'être encore un peu épris, je garde l'écume de cette mer à mon rivage pour toute la vie.